بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ اليوم السؤال 45 45 question من هذا الكتاب. سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن قول الإنسان إن الله على ما يشاء قدير عند ختم الدعاء ونحوه. Donc le cheikh a été interrogé à propos d'une personne qui dit certes Allah et dans ce qu'il veut, certes Allah de ce qu'il veut est omnipotent. Et cela à la fin du dua. C'est-à-dire que quelqu'un fait un dua et à la fin il dit cette formule-là. Inna Allah ala ma yasha qadir. Que certes Allah est sur ce qu'il veut, de ce qu'il veut, omnipotent. فأجابه رحمه الله تعالى هذا لا ينبغي لوجوه. Il dit cela ne convient pas et de différentes raisons. الأول أن الله تعالى إذا ذكر وصف نفسه بالقدرة لم يقيد ذلك بالمشيئة كما في قول الله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Donc il a dit qu'Allah Azzawajal, lorsqu'il s'est décrit lui-même par la Qudra c'est ce qu'on appelle la capacité ou le potentiel, et Allah est omnipotent, c'est-à-dire il peut tout faire. Il n'a jamais mis comme condition de cette capacité qu'il le veuille. C'est-à-dire qu'il n'a pas relié cette capacité à sa volonté. Dans le sens où Allah a dit, et si Allah l'avait voulu, il leur fait partir leur oui ainsi que leur vue. Et Allah est capable de toute chose, omnipotent. Surat al-Baqarah, la vache, verset 20. Wa qawlihi, alam ta'alam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Et n'as-tu pas su que Allah est omnipotent? La vache, verset 106. Wa qawlihi, alam ta'alam anna Allah lahu mulku samawati wal ard. Fa'ammama fil qudra kama ammama fil mulk. Et n'as-tu pas su que Allah à la royauté des cieux de la terre. Également, sur Al-Baqarah, la vache, verset 107. Donc, Allah a généralisé, a englobé entre la capacité et le potentiel, comme il l'a fait pour la royauté. Wa qawlihi, wa lillahi mulku samawati wal ard, wa ma baynahuma, yakhluqu ma yasha, wa Allahu ala kulli shay'in qadir. Et à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre, et ce qu'il y a entre les deux. Il crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent. Le tableau servi, verset 17. فَعَمَّمَا فِي الْمُلْكِ وَالْقُدْرَةِ وَخَصَّ الْخَرْقِ بِالْمَشِيَّةِ لِنَ الْخَرْقِ فِعْلٌ وَالْفِعْلُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْمَشِيَّةِ. Donc dans ce verset, Allah a englobé ensemble, a renié ensemble la royauté ainsi que la qudra, la capacité, le potentiel, alors qu'il a particularisé la création par sa volonté, parce qu'il a dit yakhluqu ma yasha, c'est-à-dire sa volonté, il ne l'a attribué que à la création et non pas à la royauté et ni à son omnipotence dans le verset. Pourquoi? Car la création c'est un acte et l'acte n'a lieu que par la volonté. أما القدرة فصفة أزلية أبدية أبدية فصفة أزلية أبدية شاملة لما يشاء أو لما شاء ولم يشاء وما لم يشاء لكن ما شاء سبحانه وقع وما لم يشاء لم يقع والآية في ذلك كثيرة. Donc il a dit par contre la قدرة, on la traduit par capacité potentielle, c'est un attribut qui a toujours été et sera toujours. Et il englobe ce que Allah veut. Ça veut dire que c'est plus large. D'accord? Ça englobe ce que Allah veut et ce que Allah n'a pas voulu. Si Allah veut une chose, il est capable de le faire. Et s'il ne veut pas une chose, il est quand même capable de la faire. Donc cela n'est pas lié, comme on dit, à sa qudra n'est pas lié à sa volonté. Quoi qu'il fasse, qu'il le veuille ou pas, Allah est capable de le faire. Donc ce que Allah veut, a lieu, et ce qui n'a pas lieu, ce qui ne veut pas n'a pas lieu. D'accord? Et malgré tout, il est capable de tout. Et les versets sont très nombreux qui indiquent cela. Donc, كذلك, parmi les raisons qui font qu'il ne faut pas dire cette parole-là, قال أن تقييد القدرة بالمشيئة خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فقد قال الله عنهم يوم لا يغزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Donc le fait de rattacher la Qudra à la volonté, cela s'oppose à la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses suiveurs. Car dans le sens où Allah a dit à leur sujet, le jour où Allah n'avilira pas le prophète ainsi que ceux qui ont cru avec lui, que leur lumière sera devant eux par leur foi, et ils diront, ô notre Seigneur, complète notre lumière et pardonne-nous, car tu es certes omnipotent. Surat al-Tahrim, l'interdiction, verset 8. وَلَمْ يَقُولُوا إِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ وَخَيْرُ الطَّرِيقِ طَرِيقُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَتْبَاعِهِمْ فَإِنَّهُمْ أَهْدَى عِلْمًا وَأَقْوَمُ عَمَلًا. Donc ils n'ont pas dit, tu es certes de ce que tu veux, omnipotent. Ils n'ont pas dit cela. Dans le verset, إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, tu es certes omnipotent, capable de toutes choses. Et la meilleure des voies, c'est la voie des prophètes et de leurs suiveurs. Car ils ont de meilleurs guidés et de meilleures œuvres. Ensuite, l'auteur cita également une autre raison qui elle est liée à la langue arabe, qui n'est pas traduisible. Et là, il a fait un tambih par rapport à un verset qui pourrait porter à confusion. Fait qu'on lit la Azza wa Jal, wa wallazi ala jam'ihim إذا يشاء قدير وهو الذي على جمعهم إذا يشاء قدير. Il est celui, s'il veut les réunir, il en est capable. Il est celui qui, s'il veut les réunir, il est celui qui en est capable. Donc là, ça ressemble un petit peu à la formule prononcée par la personne. Cependant, cher Othamine, il fait le tambih. Il dit, « La yu'alidu ma kararnahu min qabl, lienna al-qaid bil-mashiyya leysa a'aidan ila kudra, wa innama ya'udu ila al-jam. » Il a dit, ce verset ne s'oppose pas à ce que nous avons dit. Pourquoi? Car là, la condition émise par rapport à la volonté ne revient pas vers la capacité, mais juste par le fait que Allah, si il veut, il les réunit. Et c'est pas si il veut, il est capable de le faire, en fait. Wa huwa ala jam'ihim idha yasha'u qadir. C'est-à-dire que si il veut, d'accord, il les réunit, il en est capable. Et non pas, il les réunit, il en est capable si il veut. Ce n'est pas pareil. D'accord? Donc là, on répète. La mashi'a, la volonté d'Allah, c'est sur le fait de réunir entre les choses. Que si il veut, il réunit entre les choses. Et ça, il en est tout à fait capable. C'est comme ça qu'il faut comprendre le verset. Norme. Donc si jamais ça paraît un peu confus, à la colline, c'est une expression qu'il ne faut pas employer, d'attribuer, de rallier la Qudra d'Allah, sa capacité, son potentiel, à sa volonté. D'accord? Sa volonté est bien plus large que, ou plutôt on va dire, sa Qudra, son potentiel, sa capacité est plus large que sa volonté. هذا الذي ردنا اليوم والحمد لله رب العالمين.